à 200% dédicace. Ah, yes. Siapata, Nanzo, ouais. Ma chère. 100% Guantanamo, pour sa beauté. Ma moto, la vie, nous, yango, yo. Ma chica, yo, ma colonel. C'est pélico, yo. Mais vous bêtes à nous, les Alibaba. Les poumons, Naleli, Elengi, ma chômage. 100% Guantanamo. Salangone, yango, yo. Boulanco. Chuba, chuba. Les baguettes dans Moussika, ils ont des amas, ma peau de chérie. Les gamins, oh, gaïe, la farine dans le roi, ma chère. C'est pas là, c'est bien beau. 100% dédicace. Banga Pani, et ton John. Nabilé, Nabilé, c'est la photo. La photo, c'est là, là. On doit mine de Sweden, les boyettes, les boyangos. Boy, bah, maïe, yé. Maximum de respect, l'homme qui arrête le temps, Papa Sarko. La mystique. Ouvrez les frontières, Kenja, Angaye. Atabokangi, Anganini. Il y a bien un molodoy. Il va. Allez, le débrouille, il va. Chuba. Il chasse ça, va faire un bon au cash. Parce qu'on paye cash, tout est cash. Il y a donc caché, cachala. Même bébé Kam. C'est Peli, Soussouming. Bana ADECO, na ADECO, Mokota na DECO. Décorer une autre, décorer avec Nanga Chongo, DECO toujours. Beau sanité, pas tout chitele. Change jamais l'équipe qui gagne. Chuba, on se plaît.